Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre horoscope de ce joli mois de mai qui nous attend. Bon, ça c'est une façon de parler. Ce mois de mai démarre par la pleine lune du Vésac. C'est en plein milieu de l'axe Scorpion-Taureau. Cette pleine lune représente la sagesse du Bouddha qui s'allie à l'amour du Christ tout en programme. Ces énergies de compassion, de paix et de sagesse vont tenter de nous inspirer et il va y en avoir besoin. Dans la mesure où le Soleil est conjoint à Uranus, la liberté et la révolte, et à Mercure, la communication qui est en plus rétrograde. Cette conjonction peut faire office d'alarme, de test, afin de voir si nous sommes vraiment dans le juste, vraiment solide, ou ici il va falloir utiliser cette lune en Scorpion pour remettre en cause, éliminer ce qui ne sert à rien, ou faire le ménage indispensable pour la bonne marche de nos projets. Mercure rétrograde jusqu'au 15 va entraîner des retards, cafouillages et autres difficultés de communication. Attention aux voitures, ordinateurs et tout ce qui permet de communiquer en général. Son redémarrage coïncide avec l'arrivée de Jupiter en Taureau qui va se mettre au carré exact de Pluton en Verseau. Ça, c'est que du bonheur. Cet aspect va en rajouter une couche sur les conflits déjà existants et probablement en rallumer d'autres. C'est un aspect de guerre ou de problèmes climatiques, terrestres graves pour la Terre. C'est aussi un aspect de guerre interne pour nous tous, où les choix, les décisions n'iront pas sans casser des œufs. Le sextile de Saturne, qui est bien mignon et qui essaie de maintenir le calme et l'équilibre, a du mal à se faire entendre et encore moins à faire entendre la voix de la sagesse. Il va tenter quand même, hein? Bon. Mars, qui entre en Lion le 21, se mettra en conflit avec Jupiter-Pluton. Tout cela dans des signes fixes forts et en rajoutera à la violence de l'histoire. Le premier décan des Scorpions, Lion, Taureau, Verseau devront franchement prendre soin de leur santé, ont intérêt à se tenir tranquille, gérer l'impulsivité, éviter les disputes, etc. Ce mois de mai, censé être un des plus jolis mois du printemps, risque d'être bien lourd pour beaucoup. Les poissons, vierges, capricornes, balance et sagittaires des deux derniers décans s'en sortent à peu près du mieux possible, si tant est qu'ils aient pas d'autres planètes qui puissent être justement dans ces premiers décans des signes fixes. Ça, c'est à voir, puisqu'il y a quand même 12 planètes qui se baladent dans le signe, dans un zodiaque. Et bon, quoi, on a quand même une petite chance qu'il y en ait qui se baladent par là. Donc, il faut faire attention, tout le monde doit faire attention en ce moment, de toute façon, hein. Les autres doivent prendre soin d'eux et éviter les conflits inutiles de toute façon. La nouvelle lune du 19 à la toute fin Taureau sera opposée à Saturne et en rajoutera encore sur le plan des révoltes. Le trigone de Saturne montre la voie de nouveaux chemins à prendre, plus saine, plus en harmonie avec vous. Mais on est encore dans des choix de vie, des prises de position tranchées et un côté assez dur et strict. Cela touchera le premier décan des Vierges, Sagittaires, Poissons et Gémeaux. Moralité, on s'accroche, on profite du soleil et on reste caché. Je vous fais une bise à tous, prenez soin de vous, au revoir, à bientôt.